Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour son premier film tourné aux États-Unis, Les Temps Tragiques, Jean Renoir avait réussi à convaincre Daryl Zanuck, le patron de la 20th Century Fox, d'engager des acteurs quasi inconnus et de tourner plusieurs séquences en décor naturel, loin des studios. Rebelote pour son deuxième film américain, L'Homme du Sud, l'histoire d'un ouvrier agricole du Texas qui, pour nourrir sa famille, décide de cultiver sa propre terre. En 1960, dans l'avant-dernier épisode d'une série de 7 entretiens menés par Hélène Tournaire, le cinéaste se souvenait du tournage de ses deux films, au cours duquel il croisa, entre autres, un crocodile au triste destin et un ours amateur de chocolat. Entretien avec Jean Renoir, première diffusion sur France 3 Nationale le 17 juin 1960. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tournaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, après votre départ de France en 1940 avec votre femme Dido Saint-Exupéry, qui a vécu chez vous à Los Angeles, rencontre avec Flaherty, William Faulkner, Pierre Lazareff, Darius Milhaud. Vous avez tourné dans la Géorgie, le film qui s'appelle en français Les Temps Tragiques. Que vous est-il arrivé de particulier pendant le tournage de ce film? Vous n'avez pas d'anecdote? Écoutez, il ne m'est rien arrivé de particulier. Tout s'est passé très facilement et très agréablement. N'est-ce pas, c'était mon premier contact avec une troupe cinématographique hollywoodienne, et j'ai trouvé à peu près les mêmes gens qu'en France. Vous savez, nous sommes les mêmes partout à travers le monde. En réalité, les métiers sont universels. Mais vous aviez eu le temps d'apprendre l'anglais ? Oh, ben je parlais l'anglais très mal. D'ailleurs, on raconte encore à Hollywood, et pourtant il y a 15 ans de ça, des histoires sur ma mauvaise prononciation qui faisaient la joie de tout le monde, des ouvriers, des techniciens, des acteurs. Par exemple, dans ce fameux marais au Kifinoki dont nous avons tellement parlé pendant la dernière émission, il m'est arrivé une petite histoire. Enfin, tout le monde riait, et je ne savais pas pourquoi. Voilà ce qui s'était passé. Dana Andrews était de l'autre côté d'un bras d'eau, de cette eau noire dont je vous parlais, et il devait, pour la scène, monter dans un de ces petits canots qui sont spéciaux à ce marin, et avec une jeune fille du pays. Nous avions demandé à une jeune fille du village de bien vouloir jouer le rôle, et il devait s'approcher de moi. Et cette jeune fille montait dans le canot chaque fois trop tôt. Alors, j'essayais de la retarder, je faisais recommencer la scène. Je lui criais « Miss, wait a minute, mademoiselle !» Et je croyais dire « attendez une minute !» Et elle était absolument effarée, parce que « what » prononcé de cette façon-là, eh ben ça peut vouloir dire « mademoiselle, voulez-vous faire pipi, n'est-ce pas ?» Et alors elle disait à Dana Andrews « mais enfin, sans blague, n'est-ce pas, monsieur Renoir, c'est ça qu'il veut dire ?» Et Dana Andrews lui disait « mais oui, vous savez, avec les Français, ils ont des drôles d'idées, les Français !» Et alors les gens se tordaient autour de moi. Vous parliez d'animaux au cours de notre dernière émission sur la Géorgie. Vous avez eu aussi des aventures avec les animaux ? Oh, j'ai eu des aventures avec de ces gros crocodiles. Il y en avait un qui paraissait particulièrement apprivoisé, et ça a été une histoire affreuse, parce que nous le transportions en camion d'un point à un autre, n'est-ce pas, pour les besoins des scènes, et il est mort. Il est mort, nous avons eu une panne de camion, on a dû attendre sous le soleil, on n'a pas pu leur mettre dans l'eau assez vite, et c'est, apparemment les crocodiles hors de l'eau sont très fragiles. Et après tout, ils sont très gentils. Et on a eu aussi un ours qui était admirable. Oh, il était gentil, il était très grand, il était plus grand que moi. Cet ours, voilà, il faut que je vous raconte l'histoire de cet ours. Cet ours, j'avais besoin d'un ours, et d'un ours qui ne soit pas un ours sauvage du marais Okefenokee, mais un ours apprivoisé qui veuille bien passer dans le champ quand je le lui demanderai, un ours acteur. Et on l'a trouvé dans la région, dans un village voisin. Il appartenait à un monsieur qui, enfin un bourgeois de la ville, un monsieur qui avait une situation considérable, un grand bazar où il vendait de tout, ce qu'on appelle un general store en Amérique, et il avait même une station d'essence, la seule station d'essence du petit pays, et il avait cet ours. Et voilà pourquoi il avait cet ours. À peu près 15 ans avant, il y avait encore quelques Indiens dans le marais, il n'y en a plus du tout maintenant. Et parmi ces Indiens, il y avait encore un medicine man, un sorcier. Et d'ailleurs, ces Indiens, absolument normaux et vivant aussi du braconnage comme les autres habitants, n'est-ce pas? Et alors, ce monsieur du General Store avait une petite fille de 1 an. Et cette petite fille a eu des crises d'épilepsie. C'était un homme très simple, et quand il me racontait l'histoire, il disait pas épilepsie, il disait pipilepsie. Il disait, ma fille a eu des crises de pipilepsie. Alors j'ai vu tous les médecins, mais les médecins étaient des ânes, ils ne savaient pas soigner la pipilepsie, et ma fille continuait à avoir des crises, c'était affreux. Alors finalement, je suis allé voir le medicine man indien dans le marais, et le medicine man m'a dit, écoutez, la pipilepsie, ça ne résiste pas au traitement suivant. Vous allez, avec votre petite fille, élever un ours. J'ai cherché un ours dans le marais, j'ai attrapé un tout petit ourson, je l'ai amené à la maison et je l'ai élevé avec ma fille, et ils ont grandi ensemble. Et d'ailleurs, j'ai vu la jeune fille, qui était une très jolie fille de 15 ans, qui n'avait plus du tout de pipilepsie. Quant à l'ours, il était devenu gâté et insupportable, gentil comme tout, d'une tendresse insupportable, passant son temps à se pendre au cou de tout le monde, vous savez, que ses pattes, à s'accrocher aux hommes, et d'une gourmandise invraisemblable. On l'emmenait en camion sur les lieux du travail, enfin d'une espèce de camionnette découverte, et chaque fois qu'on passait devant une boutique où on vendait du chocolat, il commençait à pousser des hurlements, mais tellement fort qu'il fallait s'arrêter, il fallait aller lui acheter du chocolat. Quand il n'y avait pas de chocolat, c'était le Coca-Cola, mais il aimait moins ça, il aimait mieux le chocolat. Et il reconnaissait les boutiques ? Ah, il reconnaissait les boutiques très bien. C'est très intelligent, un ours. Vous avez tourné, je crois, dans le Sud, un autre film qui s'appelait « L'Homme du Sud ». Oui, mais « L'Homme du Sud » a été tourné pratiquement en Californie, dans des lieux où la situation est la même que dans la partie du Texas où le livre dont j'ai tiré le scénario situe l'action. Alors, remarquez que, en réalité, l'action est basée autour de la culture du coton, et nous avons trouvé en Californie des champs de coton, et les paysans qui travaillent ce coton sont dans les mêmes conditions, et enfin bref, je pouvais sans mentir transporter l'action du Texas en Californie. D'ailleurs, j'y étais bien forcé, parce que c'était pendant la guerre, et l'essence était rationnée, les chemins de fer ne refusaient de transporter du matériel qui n'était pas du matériel militaire, et nous n'aurions pas pu transporter notre matériel cinématographique de Hollywood jusque dans le Texas, c'est tout de même à plus de 1000 kilomètres. Alors nous sommes allés dans une vallée qui s'appelle la vallée Saint-Joachim, qui est à peu près à 300 miles, oui, enfin c'est ça, peut-être 400 kilomètres, au nord de Hollywood. Et la population de vous tirez souvent, votre figuration était-elle celle qui vous convenait ? Oui, la population était diverse. En réalité, mon film est sur des gens qui vivent dans des camps, des espèces de nomades. Vous savez que la culture du coton, comme beaucoup de cultures en Amérique, est faite par des gens qui se transportent de camp en camp. Vous avez certainement vu des films sur cette question. C'est d'ailleurs une question absolument passionnante. Donc, la population que je trouvais en Californie était la même que celle que j'aurais trouvée dans le Texas. Peut-être venaient-ils du Texas, ces gens-là, après s'être arrêtés dans plusieurs fermes. Maintenant, la population de fond de la région où j'ai travaillé, cette Saint-Joachim Valley, était une population surtout russe. Pourquoi russe ? Ah ben voilà, Au début du 19e siècle, il y eut en Russie une secte qui s'appelait la secte des Doukhobors. Les Doukhobors avaient des idées qui semblaient empruntées aux idées des Brahmines de l'Inde, c'est-à-dire ne pas se couper la barbe, ne pas se couper les cheveux, ne pas mutiler le corps. Certains même, très orthodoxes, allaient jusqu'à ne pas se couper les ongles et à considérer que les ongles doivent avoir leur longueur normale par l'usure de la marche nu-pied et des travaux manuels pour les ongles des mains. Enfin, les Doukhobors que j'ai connus dans la vallée Saint-Joachim n'allaient pas jusqu'à la question des ongles. Ils se les coupaient. Mais la barbe et les cheveux étaient là, très longs. Les Doukhobors avaient quitté la Russie parce qu'ils étaient persécutés par l'église orthodoxe russe, qui leur reprochait surtout de ne faire le signe de croix qu'avec deux doigts pour protester contre l'idée de la Sainte Trinité. Les Doukhobors ne croient qu'au Père et au Fils, et pas au Saint-Esprit. Alors, mes Doukhobors, dans cette région-là, certains étaient restés très orthodoxes. Mais avec les cheveux longs, une grande barbe ? Avec les cheveux longs, une grande barbe, et comme la plupart sont des cultivateurs extrêmement prospères, j'étais très surpris les premiers temps où je prospectais, où je cherchais mes extérieurs dans le pays, de voir des Cadillacs découvertes, conduites par un monsieur à cheveux longs et à grande barbe, volant au vent, n'est-ce pas, et à des vitesses fantastiques. C'était les automobiles de nos Doukhobors. Ces Doukhobors, d'ailleurs, ont conservé des traditions qui sont inconnues, même en Russie maintenant. Ils chantent encore des chants qui étaient à la mode au XVIIIe siècle en Russie. Ils dansent à la façon de leurs ancêtres. J'ai été invité à plusieurs fêtes dans les fermes de cette région. Et c'était des réunions plus qu'intéressantes. D'autant plus intéressantes qu'il se mêle à cette tradition russe une certaine tradition latine. Et voici pourquoi. Lorsque les Doukhobors ont pu quitter la Russie et se sont installés sur la côte californienne, ils sont descendus jusque dans la partie de la Basse-Californie qui maintenant appartient au Mexique. Ils y ont fondé des fermes, des petits villages, et ils y sont restés. De sorte que les Doukhobors de Californie américaine, de Californie USA au nord, ont des cousins très proches dans la Californie mexicaine, et ils vont d'un lieu à l'autre constamment. La plupart d'entre eux parlent couramment le russe, l'espagnol avec accent mexicain, et l'anglais. L'anglais américain. Nous avons bâti un camp avec des tentes dehors et nous avons vécu dans ce camp pendant presque 2 mois, le temps de tourner le film au bord de cette rivière absolument magnifique. Ça a été un moment absolument extraordinaire. Alors pour voir nos roches, nous avions un écran extérieur et un appareil de projection que nous avions amené du studio. Et en même temps, de temps en temps, nous montrions un film pour distraire nos amis, les habitants des lieux voisins. Et alors, eux, en échange, nous donnaient des petites fêtes qui consistaient surtout en chants. Et je me rappelle les chants mexicains que chantaient ces femmes d'origine russe, avec des voix fantastiques, dans la nuit, autour des feux que nous allumions. C'était absolument magique. Qu'est-ce qu'un homme du Sud, réellement ? Qu'est-ce que ça veut dire, pour un Américain, être un homme du Sud ? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup parce que, il ne faut pas oublier que ce que nous appelons, nous, la guerre de sécession, et que les Américains appellent la guerre civile, a été très sanglante, a été peut-être la guerre la plus sanglante du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier que ce qui était en jeu, c'était évidemment du côté du Nord, d'une façon très sincère, la question de la fin de l'esclavage, la question de la libération des Noirs qui étaient esclaves dans le Sud. Mais que dans le Sud, en dehors de la cause assez peu sympathique de la défense de l'esclavage tel qu'il existait, il y avait autre chose qui est, à mon avis, extrêmement intéressant et qui fait que finalement les gens du Sud me sont extrêmement sympathiques. Il y avait la défense de ce que je pourrais appeler le manque de rendement. Le monde moderne est basé sur le rendement. N'est-ce pas, vous avez une usine, il faut que ça rende. Il faut qu'un champ rende, il faut qu'un champ de blé, n'est-ce pas, donne plus de blé à l'hectare que n'en donnait le champ de blé de nos ancêtres. Il faut rendre, rendre, rendre, il faut produire, produire, produire. Le Sud avait gardé, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, des habitudes de vie plus facile. Le rendement leur était absolument indifférent. Étant donné que leur civilisation était en partie basée sur l'esclavage, eh bien, mon Dieu, il était inutile de travailler tant, puisqu'il y avait beaucoup d'esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves pour une besogne qui, en réalité, n'était souvent pas tellement absorbante. Évidemment, il y a dû y avoir des cruautés abominables au temps de l'esclavage, mais je crois qu'il y avait aussi une espèce de culte du far niente qui rendait les habitants de ce pays très excusables de tenir à leur genre de vie. Ceci dit, n'est-ce pas, tout le monde a fait des vœux pour la victoire de Lincoln, n'est-ce pas? Et puisque nous en sommes à Lincoln, nous pouvons aimer Lincoln pour bien d'autres raisons, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas posé de problème, cette différence entre la mentalité de l'homme du Sud et celui du Nord au moment où tous les jeunes gens ont été mobilisés ensemble dans l'armée américaine? Non, cela n'a pas créé de problème. Les gens du Sud sont volontiers militaires, ce sont presque toujours d'excellents soldats. Dans les marines, qui est un corps d'élite en Amérique, il y a beaucoup de garçons du Sud. Et simplement, les garçons du Sud, pendant la dernière guerre, aimaient à ne pas oublier qu'ils sont du Sud, c'est-à-dire qu'ils sont des confédérés. Remarquez, très souvent, moi j'avais un ami du Sud. Je ne parle pas de Faulkner, et là je le connais trop peu pour pouvoir prétendre à l'honneur de se dire son ami. Mais enfin, j'avais un ami du Sud qui était un sudiste dévoué. Et lorsque on arrivait, par exemple, je ne sais pas, devant un barrage de police sur la route parce qu'il y avait eu des excès de vitesse, et on nous demandait notre permis de conduire. Alors on demandait « Qui êtes-vous dans cette voiture ?» Il ne répondait jamais « Nous sommes tant ». Il répondait « Il y a deux Américains, un Français et un Confédéré ». Mais vous parlez... Oui, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que pendant cette guerre, beaucoup de garçons du Sud, combattants sous la bannière étoilée, avaient en plus de cette bannière étoilée, sur leur bras ou dans une poche ou sous leur chemise, un petit drapeau confédéré qu'ils gardaient précieusement. Un petit drapeau bleu. Oui. Vous parliez de Lincoln tout à l'heure. Je crois qu'il a fait quelque chose pour le rapprochement de l'Europe et des États-Unis. Quelque chose de... Oui, écoutez, Lincoln est un personnage extraordinaire, considérable. Il est peut-être l'un des pères de la démocratie telle que nous la concevons de nos jours. Mais enfin, à ses qualités d'homme et d'homme d'État, il ajoutait une certaine clairvoyance et... en ce qui concerne les petits à côté de la vie. Et je vais vous en donner un exemple. Il s'était mis en tête de répandre l'usage du vin aux États-Unis. Il pensait que si les Américains devenaient buveurs de vin, eh bien peut-être que ça les empêcherait de devenir des buveurs d'alcool, et que le vin est moins dangereux que l'alcool. Alors, il a beaucoup encouragé un viticulteur qui s'intéressait à la question, et qui a frété un bateau, qui est parti pour l'Europe avec son bateau, et qui a chargé son bateau de tous les bons plants de vignes qu'il a pu trouver, enfin les plants de vignes qui lui semblaient transplantables dans la terre américaine. Il s'est arrêté notamment en Bourgogne, cet homme, où il a collectionné des plants de Gamay et de Pinot. Il s'est arrêté en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays rhénans. À Nantes, j'espère, pour le muscadet. Certainement. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom du plant. C'est le Cabernet. Il a rapporté beaucoup de Cabernet, de plants de Cabernet. Alors, il est arrivé à New York avec son bateau, chargé de plants de vignes, et malheureusement, il est arrivé le jour où Lincoln a été assassiné. Alors, il est allé voir les successeurs de Lincoln, a essayé de se faire écouter, mais l'intérêt pour la vigne était passé. Il a perdu beaucoup de temps en démarche, et pendant ce temps-là, on lui a volé le chargement de son bateau. Son bateau était dans le port de New York, et les plans ont été volés, on ne sait pas exactement par qui, mais en tout cas, les gens qui ont volé ces plans les ont revendus à des fermiers de l'État de New York, et ces plans sont à l'origine des vins de l'État de New York qui existent encore. Et il y a des vignerons français ? Aux environs de New York, il n'y en a pas beaucoup. C'est en Californie qu'il y en a. Aux environs de New York, je crois que la plupart des vignerons sont plutôt d'origine rhénane. Ou italienne. Si vous le permettez, Jean Renoir, nous quitterons les vignerons aujourd'hui. Et pour la prochaine émission, je vous demanderai si nous pouvons rencontrer un Français établi en Amérique qui est originaire d'un pays de vin, c'est-à-dire de Dijon. C'était Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 17 juin 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off my feet. A pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. She's my kind of girl. guess my poor heart's in a whirl. She's just my kind. She's a girl, and I'm glad.